De la douleur, je ne suis pas très sage. Je pense qu'à l'idée de mon corps tel un naufrage, je ne suis pas très sage. J'ai essayé plusieurs fois de te dire qui j'étais, mais t'as rien compris. Je vois des traces blanches sur une place à Venise. Moi je ne suis plus présent, je me dissous. De faire comme tout le monde et de travailler et de gagner parmi tant d'autres quelques sommes joyeuses en bossant comme un pion, comme un pion. On regarde la télé le soir après le travail pour garder l'espoir. On s'enfonce dans un canapé car qui fait bien dans le cellier. C'est en danse, on vit sur une plage ce soir. On vit sur une plage ce soir.